recueille la légende. C'est pour ma Yérémie. J'appelle mes soldats, Hiro le coq, J-Max, Prince Parolier, le lyriciste pour tout. Nana, Dieu Black, bah, bah. À ce qui paraît, on est équipé. Dieu Black est notre allié. De Kina, moi, j'ambiance la foule et la conquête vient s'installer. Inou Dongola. Patron, contrôle la dedans. Aïnou Dongola. Dans le game, comme à la maison. Cata, cata.